tendre cœur arrache ton bandeau, connaît ton injustice et ne laisse plus aux caprices à décider de tes faveurs. Amour, tyran des tendres cœurs, arrache ton bandeau, connaît ton injustice et ne laisse plus aux caprices à décider de tes faveurs. Justice et ne laisse plus aux caprices.